La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. C'est la chronique de football collégial avec, on va parler avec un joueur des Gaillards. Évidemment, les Cougars sont éliminés, fait qu'on va se concentrer avec les Gaillards de Jonquière. C'est le bol d'or en fin de semaine. On va parler avec, d'ailleurs, William Julien demain, qui est un journaliste qui fait des podcasts sur Internet. Mais là, on va parler avec un joueur des Gaillards. Il est de Saint-Jean-d'Arc. Il y a une belle cuvée à Saint-Jean-d'Arc. Philippe Lavoie, Marc-Antoine Robert. Là, maintenant, on va parler avec Nicolas Bilodeau. Salut, Nicolas. Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Nicolas, première saison au football collégial, ouais. Comment tu as trouvé ça? Ça a quand même bien été. Je te dirais que j'ai changé de position, c'est sûr, mais j'ai travaillé le fond, puis ça a bien été. Comment, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur pour changer de position? Ben, c'est sûr que tomber de l'offensive à la défensive, c'est différent complètement, mais... Je me suis bien assimilé, je pense. OK. Au niveau des blessures, François Laberge me disait que tu as été blessé pas mal tout au long de la saison, mais là, comment ça va, là? Ah, ça va bien, là. J'ai eu une commotion au milieu de saison. J'ai manqué deux matchs, mais sinon, ça va bien. OK. Alors, là, ça va bien. OK. Si on parlait maintenant de ton utilisation, quand tu as joué, est-ce que tu jouais de façon régulière ou tu étais sur une unité spéciale? Comment François t'a utilisé? Pour ma première année, j'ai joué plus les unités spéciales, puis je jouais plus vers le troisième, quatrième corps, mais je vais travailler fort, je vais avoir une bonne saison cet hiver, puis je pense que je devrais avoir plus ma place l'année prochaine. En plus de jouer au niveau de changer de position, tu as changé également de ligue, tu as passé de l'école secondaire au collégial, la plus grosse différence, c'est quoi? La rapidité, j'imagine, des jeux? Ouais, la rapidité, les gars sont plus gros, sont plus vieux aussi, ils ont plus de maturité. Ouais. C'est un autre game. OK. Nicolas, si on parlait un peu maintenant du bol d'or, comment tu vois ça? Ah, c'est sûr que on a travaillé fort toute la saison pour se rendre là. Maintenant, on se rend là, on va avoir une bonne semaine de pratique, puis on est prêt à affronter cette équipe. Saint-Hyacinthe, est-ce que vous les connaissez un peu? Je sais que l'entraîneur de Saint-Hyacinthe me parler que le fait que j'ai fait 4 ans que vous jouez contre eux autres, donc j'imagine que le fait de les connaître, c'est un avantage un petit peu. C'est sûr, mais c'est pas la même équipe à chaque année. Puis, ouais. On fait du vidéo en masse, on essaie de connaître le plus possible. Puis, je pense que ça devrait bien aller. OK. Mais Nicolas, si on parlait en quelle faculté que t'es? Dans quel cours que t'es? En faculté? Ah, je suis en tremplin deck pour aller en génie mécanique. OK. Donc, tu es là pour 3 ans? 4 ans. 4 ans. Donc, comment tu as trouvé ça? Jouer au football, jouer au football et aussi les écoles, partir de chez vous. Comment tu as trouvé tout ça? Ben, je te dirais que j'étais prêt. Je pense que je me suis bien adapté et j'aime bien ça. OK. Ben Nicolas, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une première à la radio. J'espère que tu n'es pas trop nerveux. Certainement que la chronique va revenir l'année prochaine. Puis au plaisir de se parler. Puis bonne chance pour le bol d'or. Parfait, merci beaucoup. Nicolas Bilodeau de Saint-Jean-d'Arc qui évolue pour les Gaillards de Jonquière.